Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 20. La phrase clé du jour est... As-tu déjà chanté des chansons japonaises? Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna. C'est une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Précédemment, Anna s'était égarée à Shinjuku, mais c'est en toute sécurité qu'elle a retrouvé ses amis, Sakura et Rodrigo. Ils sont maintenant arrivés dans un club de karaoké, un endroit où l'on chante en regardant un écran sur lequel défilent les paroles d'une chanson. Écoutons le sketch de la leçon 20. Notre phrase clé est... As-tu déjà chanté des chansons japonaises? Anna-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Je vais maintenant vous expliquer ce sketch. Rodrigo a demandé à Anna: Anna-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Anna, as-tu déjà chanté des chansons japonaises? Anna-san désigne la personne à qui l'on s'adresse. Anna. Wa est la particule qui indique un sujet. Nihon signifie Japon. No est une particule qui lie des substantifs. Uta signifie chanson. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Utatta est la forme en ta de utaimasu, chanter. Si l'on ajoute « koto » à la forme du dictionnaire ou la forme en « ta » des verbes, on transforme les verbes en « nom ». Également, comme dans le cas de « utatta koto ». Si l'on ajoute « koto » à la forme en « ta » des verbes, on exprime ce que l'on a fait dans le passé, c'est-à-dire nos expériences. Dans ce cas-ci, « utatta koto » signifie l'expérience d'avoir déjà chanté. « Na » est la particule qui indique un sujet. « Arimasu ka ?» Dans ce cas, signifie « Avez-vous l'expérience d'avoir fait quelque chose ?» C'est la combinaison de « arimasu » « avoir », un verbe qui exprime la possession, et une particule « ka » qui met une phrase à la forme interrogative. Dans la leçon 7, « arimasu » signifiait « quelque chose existe » ou « il y a ». Dans la leçon 9, il signifiait « un événement a lieu ». On apprend donc aujourd'hui que « arimasu » signifie également « avoir quelque chose ». Des expériences, par exemple. C'est exact. En plus des expériences, on emploie souvent « arimasu » lorsque l'on parle de quelque chose d'abstrait en particulier, comme le temps ou les opportunités. Exerçons-nous maintenant à répéter notre phrase clé du jour. As-tu déjà chanté des chansons japonaises? Lorsque l'on dit « utatta koto », on retient brièvement notre souffle après « uta » et on hausse notre intonation à la fin. Anna répond « Hai, arimasu. » « Oui, j'ai. »« Hai » signifie « oui ». Ici « arimasu » signifie « j'ai ». Mais que dois-je dire si je n'ai jamais chanté de chansons japonaises? Vous dites « Iie, arimasen. » Non, je n'ai pas. Exerçons-nous à répéter les formes affirmatives et négatives d'une réponse. Veuillez répéter après ce qui suit. « Hai, arimasu. » Iie, arimasen. Sakura demande ensuite: Donna kyoku ga tokui? Quel type de chanson chantes-tu bien? Donna signifie quel type. Kyoku signifie genre de musique. Ga est la particule qui indique un sujet. Tokui signifie bon à, c'est un adjectif. Dans l'exemple que nous avons entendu, tokui est élu en haussant l'intonation. Il s'agit donc d'une question, n'est-ce pas? Oui. Après « tokui »,« desu ka », une expression polie placée à la fin d'une phrase, est omis. « Tokui » est un adjectif. Il se termine avec la syllabe « i ». Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas un adjectif en « i », c'est un adjectif en « na ». Donc, lorsque l'on souhaite dire « les genres musicaux que nous chantons bien », on ajoute « na » à « tokui » et on dit « tokui na kyoku ». C'est bien ça? C'est très bien, Mélanie. Comment dit-on « pas doué pour » C'est Nigate. Il s'agit aussi d'un adjectif en na. Retournons au sketch. Anna répond. Anime no kyoku desu. Des mélodies de dessins animés. Anime. Dessin animé est l'abréviation de animation. C'est un mot d'emprunt. No est une particule qui lie les substantifs. Kyoku signifie genre musical. Desu est une façon polie de conclure une phrase. Anna aime bien également les dessins animés japonais. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 20. Notre phrase clé aujourd'hui est... Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? As-tu déjà chanté des chansons japonaises? Anna-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris que l'on peut parler de ces expériences en combinant les verbes à la forme « ta » avec « koto ga arimasu ». Veuillez nous l'expliquer plus en détail. Posons la question à notre professeur. Les verbes de forme « ta » indiquent une action passée ou achevée. C'est ce que nous avons fait dans le passé, ou ce que nous avons fait. Et en combinant les verbes de forme « ta » et « koto ga arimasu », on peut parler de ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire de nos expériences. Si, par exemple, on remplace « utaimasu » chanter par « utatta koto ga arimasu », on dit « je l'ai chanté avant » ou « j'ai l'expérience de chanter ça ». Pour le mettre à la forme négative, on remplace « arimasu » par « arimasen ». Ainsi, la forme négative de utatta koto ga arimasu. Je l'ai déjà chanté est utatta koto ga arimasen. Je n'ai jamais chanté ça avant. Il faut cependant faire attention à une chose. On ne peut pas employer cette façon d'exprimer ses expériences en combinant les verbes de forme ta et koto ga arimasu en combinaison avec les termes qui font référence au passé récent, tels que kino, hier, ou senshu, la semaine dernière. Il faut alors utiliser le passé des verbes. Supposons par exemple qu'on vous demande « Avez-vous déjà vu le mont Fuji ?» Si vous l'avez vu la semaine dernière, vous ne pouvez pas dire « Senshu mitakoto ga arimasu »« Je l'ai vu la semaine dernière. » Il faut utiliser le passé de « Mimasu »« Voir »« Mimashita »« Avoir vu » et dire « Senshu mimashita »« Je l'ai vu la semaine dernière. » C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Sur ce, voici notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est le son d'un train en mouvement, n'est-ce pas ? Oui. Quel mot vous vient à l'esprit pour décrire ce son ? En japonais, on dit « Gatan goton ». Gatan goton. Je vois. Voici un autre son qui fait référence au train. C'est le son qu'on entend à un passage à niveau? En français, c'est tatak-tatoum, n'est-ce pas? Oui. En japonais, on exprime cela ainsi. Kan, kan, kan. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir Gatan goton et Kan, kan, kan. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique, les tweets d'Anna. C'est la première fois que je suis allée dans un karaoké au Japon avec des musiques enregistrées. J'ai été étonnée d'apprendre que certaines personnes y allaient seules pour s'exercer. La leçon 20 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? As-tu déjà chanté des chansons japonaises? La prochaine fois, nous nous intéresserons à nouveau à ce qu'Anna et ses amis font dans le club de karaoké. Ne manquez pas notre prochaine leçon.